Allez, Edo, une autre. Thank you. beau milieu. Comment veux-tu que j'y arrive? 110. Voilà. Combien? 164. Bon, bah, Un petit peu d'accordéon. des femmes. Et tu vas chanter la chanson. Yeah. transformation. Thank you. The sound of Shabba Wadi's thunder. Oh no.